prod, MSD, sous pique pas ta ça. La France s'en fout de ce qu'on préfère, même si les portes sont toutes mes verres. Ça fout les nerfs, mais je reste fier face aux défaites de son déferle. Avec les frères, on est des terres, toujours des guerres. Mais ça, on s'en cache plus pour s'en sortir, c'est cul. Pour ça qu'on s'exprime dans un langage cru, entre parenthèses. Que l'on s'en sort, j'ai pas la garantie. La joie s'égare sans cesse, les gars s'en dorment pendant que leurs parents. Si on s'en tire, faut qu'on décale, même si l'on se gourde de sens. Quand les flics sont de sortie, on voit plus de pédales qu'au Tour de France. Ça court de chance, donc on passe le temps à niquer l'état qui d'affaire des dégâts. Oui, je pète des gaffes, que la vague des boules, le maxi que ça charne à quitter les gammes. Je suis pas de départ. Ici, la haine se fait sentir. Tout ce que l'état a fait pour moi, c'est d'augmenter mes claves de 30. Je veux bâtir mon empire, mais dans le 18, tous les flics artitubent dans le nord de la capitale. Si t'as pas tort, les bâtards capitulent. Tu sais, tout ce que je préfère, c'est faire du son et non pas plaire aux filles. La bille ne fait pas le moine, depuis que le moine préfère un pédophile. Je préfère, je le crie fort, histoire de faire bouger des têtes. Moi je préfère réfléchir, trouver les faces qui percutent. Je préfère ne pas y penser. La France s'en fout de ce qu'on préfère, même si les portes sont toutes mes vertes. Moi je préfère prendre mon temps, faire les choses bien, pas passer pour un as. Pour un as, moi je préfère, moi je préfère, moi je préfère. Que je préfère. Je crie fort, histoire de faire bouger des têtes. M'en fous qu'on en tienne pas compte, c'est pas l'under qui va payer mes dettes. Je préfère réfléchir, trouver les faces qui percutent. Putain, ça me ferait chier que mon son ait qu'une écoute. Alors, c'est de la fraîcheur que j'apporte dans le hip-hop. Tout en restant serein, car je sais que ça me nourrit. Oh, je préfère mater la 5 documentaire sur les insectes que d'écouter la zig sur la 6 et niquer mes enceintes. Je préfère prendre mon temps, faire les choses bien, pas passer pour un as. C'est dur, mais je tiens le coup comme la balance à Pierre Ménez. À cette heure-ci, je suis prêt à tout, même à entendre les pires menaces. 2010, je suis créatif, j'espère être loin du terminus. Je préfère être enfermé au rep dans un internat que de subir toutes les journées à voir le dos large comme Alain Bernard. Je préfère être jeune et con qu'être jeune qui est dormi sous les ponts. Je préfère la bonne époque, je te parle de celle de Paris sous les bons. Je préfère, je le crie fort, histoire de faire bouger des têtes. Moi je préfère réfléchir, trouver les faces qui percutent. Je préfère ne pas y penser. La France s'en fout de ce qu'on préfère, même si les portes sont toutes mes vertes. Moi je préfère prendre mon temps, faire les choses bien, pas passer pour un as. Pour un as, moi je préfère, moi je préfère, moi je préfère. Que je préfère. Du prêt découpé, t'es pas prêt d'écouter. Si t'as pas ton coupe, coupe tes choses de sécurité. Le préfet me dégoûte et me sort du préfabriqué. Histoire montée toute bête, préfère pas les voir forniquer. Je veux pas dédicacer à Michel Fourniret. Si j'avais des machettes, je me tirerais fournilés. Les condés, les bombés, qu'on reste tous en sécurité. Que ça soit pareil pour les minots et les ridés. Je lance des missiles téléguidés. Je préfère pas me fier aux journaux télévisés. Ils savent dénigrer, nous faire passer pour la risée. Font jaser les non-avisés. Font se passer, vont se tasser, laisser donc ces agités. Je préfère pas trop que vous fassiez du boucan. Donc t'étonnes pas si ici va le salaud fout le camp. Là où rien n'est envoûtant, où tout est déroutant. Je casse la croûte en avançant, mais je préférais marcher dans le vent. Je préfère, je crie fort, histoire de faire bouger des têtes. Moi je préfère réfléchir, trouver les faces qui percutent. Je préfère ne pas y penser. La France s'en fout de ce qu'on préfère, même si les portes sont toutes mes vertes. Moi je préfère prendre mon temps, faire les choses bien, pas passer pour un as. Pour un as, moi je préfère, moi je préfère, moi je préfère. Que je préfère. J'aime la voir, ma bonne étoile, je t'avoue souvent, je l'appuie très fort pour qu'elle sourie. J'ai plus quoi faire, plus le temps passe pour qu'elle entende mes SOS. Abandonne pas, car sans toi je pourrais souffrir. Tu me laisses en rêve, je préfère l'écrire, ma vie se consume comme une sans S. Annoncez pas que mes proches flottent au paradis, va la blanche porte, la mort emporte, mes parents. Je les regarde encore une fois, pendant qu'ils partent, je peux faire qu'on me réconforte. Car j'ai menti, je suis malheureux, je voudrais qu'on flirte un petit peu moins, t'es mal héros. C'est pour mes gars qui tirent la lampe, sur qui la drogue fait des dégâts. Ensuite les larmes, au bout d'un front, que leur mi-face fait du tracas. Qui frise le pire, cerveau du père, plus de neurones. On n'est pas né parmi les rats, mais bien du père et de la daronne. Je suis inconscient, mais pince-moi, j'aimerais sortir de ce mauvais rêve. Quand 4 chutes remplacent, moi je te laisserai volontiers ma life. Je préfère ne pas y penser, fermer les yeux si ça m'arrive. Y'a plus de paix que par les pansements, 4 jours si ça m'arrive. Que je préfère, je le crie fort, histoire de faire bouger des têtes. Moi je préfère réfléchir, trouver les faces qui percutent. Je préfère ne pas y penser. La France s'en fout de ce qu'on préfère, même si les portes sont toutes mes vertes. Moi je préfère prendre mon temps, faire les choses bien, pas passer pour un as. Pour un as, moi je préfère, moi je préfère, moi je préfère. Que je préfère. Je suis là tranquille pour les frères, capuché en hiver, en été, sous péter en effet, ça prolifère. Moi je préfère mes frangins, je crois à mes franchines à cause d'elles. Mes frangins préfèrent se mettre en jean. Je préfère partir en Chine que partir en couille. Mais c'est parti remise, sale flic, si tu m'embrouilles, wesh ma poule, c'est quoi le TE? C'est quoi le problème? Tu crois que je suis une abeille? Tu crois que je kiffe le pollen? Je préfère ne rien dire que perdre quelques secondes, c'est dans ces moments précis que certaines conneries se pondent. Code, code, codec, la lampe du poulailler, je préfère parler à l'envers et passer pour un fou allié. Niveau remède de bande, ce fit de plus aucun remède. Votre comportement, je ne l'accepte plus. Sous Big B, tu me sais chier, pas ça et ça champé. T'as pas le mental, cousin majeur, levé pour ton pour l'OPC. Je préfère, je crie fort, histoire de faire bouger des têtes. Moi je préfère réfléchir, trouver les faces qui percutent. Je préfère ne pas y penser.